Les masses médias de divers pays ont traité la nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse japonaise Gyodon, la revue d'internet Nepal Today, l'agence de presse américaine UPI, les journaux brésiliens Patria Latina et Agua Verde, les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimestunisme Kim Jong-ilisme, du Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique, du Comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de l'association d'amitié Pectusan Tchèque-Corée et le homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont rapporté la visite du maréchal Kim Jong-un à la colonie de vacances des enfants 6 décembre de la province du Gangwon, nouvellement réaménagée. Le réseau de la planète de Chine, la revue d'internet Nepal Today et les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimestunisme Kim Jong-ilisme et du Comité national d'études des Tutsi du Congo démocratique ont présenté son inspection de l'usine de souliers de Wonsan qui normalise au niveau élevé la production, alors que le homepage d'internet russe irkutskblogspot.ru a inséré son inspection sur place des affaires de divers secteurs de l'arrondissement de Samjiyon. Les masses médias ont présenté également les photos du maréchal Kim Jong-un.